السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc nous poursuivons dans ce kitab. La dernière fois, nous avions pris deux hadiths. La dernière fois, c'était Ams, يعني بالأمس, hier. Premier hadith, la ta'at fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf, qu'il n'y a pas d'obéissance dans le péché et que l'obéissance n'est qu'en de le convenable. Et l'autre hadith qu'on avait pris, c'est iza hakama al hakim fajtahada wa asab falahu ajran wa iza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Alors, si jamais le juge fait un ijtihad, il met un jugement et qu'il voit juste, alors, il a deux récompenses. Et si jamais il se trompe, il n'a qu'une récompense. Il n'a qu'une récompense. Un instant, je vous reprends dans quelques minutes. Restez en ligne. Je vous reprends, excusez-moi. Ouais, en théorie, vu la situation, il n'y aura plus de coupure, hein, Inch'Allah, sur Internet, vu que je suis en France. Et le net, il est nettement plus fort. Donc, ces prochains cours, Inch'Allah, normalement, les choses devraient être correctes. Inch'Allah. Au moins, c'est un bon point. Taïeb. Donc, aujourd'hui, on rentre dans le hadith Al-Thamin wal-Khamsin. 58e hadith. Yaqul عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم ولكن اليمين على المدعي أو المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ للبيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, si jamais on donnait aux gens en fonction de leur réclamation, de ce qu'ils prétendent, alors des gens se seraient permis de réclamer la vie et les biens d'autres personnes. Cependant, celui qui est accusé, il lui revient de jurer par Allah qu'il n'a pas fait telle et telle chose. Ça, c'est la version du muslim. Et dans la version de Bukhari et de Bayhaqi, Afwan, il dit que celui qui prétend doit apporter une preuve et que celui qui nie n'a qu'à jurer. Celui qui prétend une chose doit apporter une preuve de ce qu'il dit. Car à la base, d'accord, c'est que les gens, ils sont comme une règle qui existe chez les koufars, tu es présumé innocent. Donc quand quelqu'un vient t'accuser d'une chose, il faut qu'il apporte les preuves. D'accord, telle situation. Quand on sort d'une base vers une autre situation, dans un changement, il faut apporter des preuves de la sortie de cette base. Et ça, ce sont des règles qui sont très importantes. يقول هذا الحديث عظيم القدر وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند تنازع هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. Donc ce hadith est un hadith qui est un fondement parmi les fondements du jugement, dans les jugements à émettre contre les gens. Car cela n'a lieu qu'à quel moment, on juge entre les gens lorsqu'il y a un désaccord. Donc t'en as un qui vient, qui prétend un droit sur quelqu'un. Et l'autre qui nie ce droit, il dit non. D'accord ? Il prétend que ce droit qui lui est réclamé, il n'a pas à le rendre. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on agit ? Ce hadith vient pour justement trancher. فَبَيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَصْلًا يَحُلُّ نِزَاعَهُمْ وَيَتَّدِحْ بِهِ الْمُحِيقُ مِنْ غَيْرِهِ. Donc ce hadith est venu pour justement, comme on vient de dire, trancher, et vient pour clarifier qui est celui qui a raison de celui qui a tort. فَمَنْ اِدَّعَ حَقًا مِنَ الْأَعْيَانِ وَالْدُّيُونِ وَالْحُقُوقِ وَتَوَابِعِهَا عَلَى غَيْرِهِ وَانْكَرَهُ ذَلِكَ الْغَيْرِ فَالْأَصْلُ مَعَ الْمُنْكِرِ. Donc celui qui vient prétendre un droit sur une personne en particulier, par exemple il prétend qu'il lui doit de l'argent, ou il lui doit telle et telle chose, peu importe, mais il lui réclame une chose. Et tout ce qui y ressemble, et que l'autre, justement l'opposant, nie cela, alors la base, c'est que celui qui nie, c'est lui qui a raison. Car la base, c'est qu'il n'a, il ne doit rien. C'est la base. D'accord ? C'est la base. فَهَذَا الْمُدَّعِي إِنْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ الْحَقِّ ثَبَتَ لَهَا وَحُكِمَ لَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتِ بِبَيِّنَةٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إِلَّا الْيَمِينَ. Et il a dit, celui qui prétend maintenant, d'accord, si jamais il vient avec une chose, une preuve, qui confirme ses dires et ses réclamations, alors on lui accorde. Et si jamais il n'apporte rien, alors l'autre, il ne lui revient que de jurer par Allah, c'est tout. Il n'a pas apporté de preuve pour dire qu'il est innocent, car à la base, c'est qu'il est innocent. À la base, c'est qu'il n'a pas de dette. À la base, il ne doit rien. Donc, il a juste à dire « Wallahi, ma khastu minhu malan, wa ma tadayintu indahu, wa ma kaza wa ma kaza. » Donc, celui qui a été, à qui on réclame quelque chose, il n'a rien apporté à part un serment. Il jure par Allah qu'il ne doit pas d'argent, ou qu'il ne s'est rien passé, ou ceci ou cela. C'est tout. Tandis que l'autre, il doit apporter une preuve. L'autre doit apporter une preuve de ce qu'il avance. Par exemple, dans les pays, il apporte des papiers, il apporte des témoins, il apporte des reçus, il apporte des factures, il apporte quelque chose de concret et de mortabar, shara'a. وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى بَرَأَتَهُ مِنِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ وَانْكَرَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّهُ بَاقٍ فَإِنْ لَمْ يَتِي مُدَّعِي الْوَفَاءَ وَالْإِبْرَاء بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا حُكِمَ بِبَقَاءِ الْحَقِّ Donc maintenant, c'est celui qui prétend ne rien devoir. D'accord ? Mais celui qui prétend, lui, nie cela. D'ici, tu dois telle et telle chose. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui devait quelque chose a donné une partie. Il a donné une partie. Et l'autre, par la suite, dit que la chose, elle est finie. Et celui qui réclame, dit qu'il reste encore. Par exemple, il reste de l'argent, tu n'as pas remboursé toute la dette. Donc à ce moment-là, il doit apporter une preuve. Il doit porter la preuve. وكذلك دعاوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. Il en est de même pour les défauts, par exemple, d'une marchandise que tu auras achetée, ou des conditions qui auraient été émises avant un accord, et l'un des deux aurait enfreint les conditions. Il faut apporter les preuves que telles conditions ont été émises, si jamais il nie. Par exemple, un frère, il a dit, moi, je te vends telle chose, par exemple, mais à condition que, مثلاً, cette chose-là, c'est toi qui viens la chercher. Par exemple, je te vends ma voiture, mais ma voiture, c'est toi qui viens la chercher. Un frère, il habite à Paris, l'autre, il habite sur Marseille. Et il dit au Marseillais, la voiture, je te la vends, je te la fais moins cher, mais c'est toi qui viens la chercher, c'est pas moi qui te la livre. Et au bout d'un moment, le Marseillais, il dit, attends, la voiture, ça fait une semaine, j'attends, Harry, je t'ai payé, elle est toujours pas là. L'autre, il lui dit, Harry, on s'est mis d'accord que tu viens la chercher. Et l'autre, il dit, non, on s'est pas mis d'accord là-dessus. Donc, à ce moment-là, quand il y a un désaccord, taillez, celui qui a émis la condition, il doit apporter la preuve de cette condition. Qu'ils ont mis telle et telle condition. Si l'autre, il nie. Et l'autre, on lui dit, il doit, s'il n'y a pas de preuve, l'autre doit jurer par Allah qu'il n'y a pas eu de condition. À ce moment-là, s'il jure par Allah, alors la condition, elle est considérée comme étant inexistante. Cependant, celui qui jure par Allah en mentant rendra des comptes le Al-Qiyam. Il faut se dire cela. Il a juré par Allah en mentant sciemment. Ou alors il a oublié. Mais généralement, ce genre de choses, elle ne s'oublie pas. Mais bon, admettons qu'il a oublié. Ah oui, ça, c'est une chose. Si jamais il ment sciemment, qu'il sache que s'il pense avoir eu gain de cause dans ce bas monde, le Al-Qiyam, cela sera contre lui. Tu as échappé au jugement de cette dunya. Fima yakun bayna al-makhluqin. لكن لن تسلم من حكم الله عز وجل الذي لا يذر مثقال ذرة من min khayr ou min char, que Allah ne laissera aucune graine, sera-ce qu'un atome, rien ne sera délaissé ou dépourvu. Tout sera remis en compte. D'où le conseil, et encore il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec un frère qui a eu justement un litige de ce genre-là, on dit n'hésitez pas à écrire des contrats. Ce n'est pas une mise en doute de la personne, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, la personne peut oublier, peut y avoir des problèmes, il y en a, il peut mourir même, l'un des deux partenaires peut mourir, et il n'y a plus de preuve de ce qui a été mis comme accord auparavant. D'ailleurs, dans le Coran, Allah dit bien, ils étaient d'ailleurs bidaini, il a ajouté non sa main, factubu. Oh, vous qui avez cru, si jamais vous entretenez une dette pour un délai précis, alors écrivez-le. Là, ce n'est pas un ordre d'obligation, c'est un ordre de irshad. C'est une chose qui encourage. Donc, le fait de dire à quelqu'un, Yahri, on écrit un contrat avec témoin, faut pas mal le prendre, dire, Yahri, tu doutes de moi? Non, t'as pas à dire ça. À la base, c'est une chose qui est légiférée d'écrire. Car tu ne sais pas ce qui peut se passer par la suite et cela évite bien des désaccords. Si demain il y a un problème, on a oublié, on ramène la feuille, en une minute c'est réglé. Regarde, telle feuille, signé tel jour, toi, moi, un tel comme témoin. Voilà, l'affaire elle est réglée. Mais t'en as des fois, ils oublient, ils le font pas et après c'est des embrouilles qui ne s'arrêtent pas. Après c'est du hajr, après c'est des mises en garde, après c'est même des bagarres ou je ne sais quoi pour de la chose de dunya. Pourquoi? Car au début, les choses n'ont pas été mises au clair depuis... Dès le départ. Surtout des frères qui sont dans le commerce et qui des commerces qui engagent des grandes sommes, écrivez. Et ce n'est en aucun cas une remise en doute de la confiance de la personne. C'est juste comme ça, si demain il y a un problème, c'est mis au clair très rapidement. Et l'être humain n'est pas comment dirais-je, il est amené à oublier, à confondre, à se tromper. D'accord? Et comme on l'a dit, il peut mourir, il peut tomber malade, et les choses changent, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Ainsi de suite, mettez les choses au clair. Mettez les choses au clair, par écrit, de façon limpide. Alhamdoulilah, même en pays de Kouf, tu peux aller voir une personne qui a sermenté pour tamponner un papier. Tant qu'il n'y a pas de transgression, c'est permis. Même de régler les litiges dans un tribunal de Koufar, s'il n'y a pas de transgression, c'est permis. S'il y en a un qui fait du mal à l'autre, ils peuvent aller en tribunal tant qu'il n'y a pas de transgression derrière, c'est permis. Pour qu'on tranche entre les deux et que l'un obtient le droit, obtient son droit, on va dire, mais sans rajout. D'accord ? Sans rajout. Non. قال فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه مسائل القضاء كلها لأن البينة اسم لما بين الحق وهي تفاوت بتفاوت الحقوق وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله. Donc ce hadith, c'est un hadith comme on l'a dit au début, qui est une chose qui est indispensable lors de jugement. Lorsqu'on juge entre les personnes, car il faut des preuves. Quand on avance des choses qui sortent de la base, il faut des preuves. Sans preuves, on n'accepte pas. Même si tu dis la vérité, tu n'as pas de preuves, on n'accepte pas. Il faut des preuves. Et des preuves, bien sûr, prises en compte par la législation. Par exemple, tu as des choses, des fois, un audio, ça peut être pris en compte. Une vidéo, bien qu'on sait que c'est haram, mais il ne sera pas pris en compte. D'accord ? Parce que ça peut être fabriqué, ça peut être changé. Surtout aujourd'hui, vous savez, on a mis une fatwa il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On peut imiter des voix. On peut même mettre la tête de quelqu'un sur quelqu'un de façon presque... tu peux pas déceler, à part vraiment les gens qui sont expérimentés et qui ont le matériel pour. Faut faire très attention, on a une époque où le faux est fortement répandu et on peut falsifier beaucoup de documents. Beaucoup de choses peuvent être falsifiées, inventées ou autres. Donc, ramener les choses, les documents qui sont pris en compte par le juge, dans les conditions du pays où les gens se trouvent. D'accord ? Faire les choses correctement. Les choses dans les règles. Yaqul, wa qad bayyana sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith al-hukm wa bayyana al-hikmata min hadhi shari'ati al-kulliyya wa ana 'ayn salah al-ibad fi dinihim wa dunyahum wa ana law yu'ta an-nasu bidawahum lakathura ash-shar wal-fasad. Donc ce hadith, c'est un hadith qui vient nous montrer comment agir lors d'un jugement et montrer la sagesse justement de cette charia. Que cela comporte la réforme pour les serviteurs dans leur religion et dans leur vie mondaine. Car aujourd'hui, combien de gens prétendent des choses? Si on laissait les gens faire, et dire ce qu'ils ont à dire, ce serait des guerres qu'il y aurait. Le sang coulerait et les vies seraient perdues et les biens seraient détruits. Car l'homme, de base, la base chez l'homme, c'est le mal. La base chez l'homme, c'est qu'il est injuste et ignorant. Et c'est l'islam qui est venu pour justement réformer les gens. Et cet islam apporte des règles pour justement amener à trouver des accords entre les gens lors des litiges. Bilati et Ahsan. Combien de gens volent? Combien de gens escroquent? Combien de gens arnaquent? Combien de gens mentent? Combien de gens falsifient? Combien? La plupart des gens le font. Ce qui les empêche d'agir, souvent, c'est la peur d'être dévoilé. Sans quoi, les gens le feraient. Si demain, comme on dit souvent, tu rentres dans un magasin, tu enlèves les vigiles, tu enlèves les caméras, les systèmes de sécurité, les gens, ils vont piller les magasins. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Mathalène, l'histoire du petit qui s'est fait tuer à Paris, à Nanterre. Regardez ce que les jeunes ils ont fait pendant plus d'une semaine. Ils ont pillé pourquoi? Parce qu'ils étaient cachés, cagoulés, personne ne les voit. Donc c'est, on en profite. Ils n'ont rien fait pour le petit jeune, ils n'en ont rien à faire du petit jeune qui a été tué. C'est pas ça, ça c'est pas vrai. C'est juste le fait de piller, d'avoir l'occasion de pouvoir faire du mal. Sous couverture de justice pour Naël ou je ne sais quoi. Mais en vrai, tout ça c'est ridicule. D'accord? Ça n'a rien à voir. Car comme je le dis souvent, ces petits jeunes-là, eux-mêmes, ça se trouve, ils avaient rencontré ce petit Naël dans d'autres circonstances, eux-mêmes, ça se trouve, ils l'auraient tué, ils l'auraient lynché pour une bagarre, pour un regard, pour une moto, pour une paire de baskets, pour un téléphone. Il n'y a pas d'amour entre eux, c'est pas vrai. Aucune solidarité entre eux. Ça a été juste une occasion de pouvoir tout casser, tout piller. Sans se faire attraper. D'accord? Et ces jeunes-là, en réalité, sont un reflet de la société actuelle. Ce qu'ils ont fait, ces jeunes-là, c'est ce que beaucoup de gens auraient fait. Si demain, ils avaient l'occasion de pouvoir s'accaparer des biens sans se faire attraper, quasiment tout le monde le ferait. Tu veux faire l'expérience? Prends ta voiture, laisse la garer dans un coin avec le moteur qui tourne et éloigne-toi avec ton iPhone sur le pare-brise. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Ne faites pas, vous savez que vous êtes perdant, mais pour vous dire que c'est une réalité. La base chez l'homme, c'est qu'il est injuste et ignorant. Donc ce genre de règles, alhamdoulilah, sont venues pour fermer les portes entre nous, les musulmans, qui voulons appliquer les règles. يقول فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية بين ضدها تجد الفرق العظيم وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد لاشتمالها على الحكمة والعدل ورحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. Donc tu vois que cette sharia, cette législation, elle est parfaite et qu'elle n'émane que d'un sage et d'un omnipotent et d'un omniscient. Car quand tu compares avec les lois des hommes, tu vois qu'il y a une défaillance chez les hommes. Alors cette loi-là, elle est parfaite. Cette législation, elle est parfaite. Et elle amène à régler tous les problèmes pour ceux qui l'appliquent, évidemment. Le problème, c'est que vous savez, on est à l'époque, elle n'est pas appliquée, ce n'est que très peu. Donc les gens ne peuvent pas se rendre compte de sa grandeur, de sa sagesse, de sa justice et de la réforme qu'elle apporte. Car aujourd'hui, les choses qui ferment les portes au constat de cette charia, ce sont les musulmans qui n'appliquent pas leur religion. C'est pas à cause des koufars, c'est à cause de nous. Les premiers responsables, les premiers fautifs, c'est nous. On n'applique pas notre religion comme il se doit. Donc résultat, les koufars ne voient pas la différence. Ils ne voient pas en nous le comportement qui appelle justement à un bien. On le voit ici, on voit des musulmans comment ils se comportent, le kafir n'est pas tiré, il dit c'est ça le musulman. Personnellement, excusez-moi, mais je pense que je suis bien mieux élevé que ce petit jeune ou que cette petite jeunette. Ou que ce un tel ou ce un tel. Leur religion va m'apporter quoi? J'estime aujourd'hui, dans mon mode de vie, être plus honnête, être plus poli et être mieux éduqué que beaucoup de ces gens-là qui prétendent être sur une religion qui est droite. Et c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Aujourd'hui, trop de musulmans ne reflètent pas la vérité. Donc le kafir, ça ne l'attire pas. D'accord? Et pareil, quand ils voient les pays d'islam, le mal qui s'y découle comme injustice, et ils voient que leur pays a eu son structure. Bon, attention, on sait qu'en pays le couf, il y a beaucoup de mal, beaucoup d'injustice. Mais tu as des structures qui sont là en place pour pouvoir faire des réclamations, pour pouvoir arriver à un résultat. En pays d'islam, tu n'as pas cela. Dans trop de pays, tu n'as pas cela. Tu prends un zoul, tu peux rien faire. Quelqu'un te fait du mal, tu ne peux même pas te plaindre. Dans les pays comme la France, tu as des structures. Je te dis pas que tu auras forcément ton droit, mais tu as des causes pour pouvoir permettre essayer de te défendre. Donc quand le kafir les voit, c'est dire regardez nos pays, pour preuve, vous vous battez pour venir chez nous, donc c'est qu'on est meilleur que vous. Nos pays sont meilleurs que les vôtres. Nous, il y a des aides sociales, les soins médicaux ils sont gratuits, enfin, entre guillemets. chez nous, il y a ceci, il y a cela, il y a quoi chez vous, il n'y a rien chez vous. Il n'y a rien chez vous. C'est ce qu'ils voient les koufars. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on n'applique pas. Mais si on appliquait la charia tamaman, de façon à grande échelle, vous verriez la différence. Mais le problème vient de nous en premier lieu. Le premier obstacle à cette dawa, c'est notre comportement à nous. Et il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Donc cette charia, elle est parfaite. La défaillance, elle vient des adeptes, pas de la charia. L'islam, il est parfait. La défaillance, elle viendra des musulmans. Le minhaj salafi, il est parfait. La défaillance viendra des individus, certains frères salafis, sœurs salafiat, c'est eux qui ont fait des problèmes. Mais le minhaj en lui-même, il est parfait. Ne pas se baser sur un individu pour remettre en compte un ensemble. On ne prend pas un musulman pour remettre en compte l'islam, comme on l'a expliqué. On ne prend pas en compte une sœur qui porte le hijab pour critiquer le hijab en soi. On ne prend pas en compte un frère qui a une barbe pour critiquer les barbus ou la barbe en soi. Non, ça c'est injuste. Mais on revient à la base de la personne d'où elle prend ses lois et là on regarde si les lois sont correctes. Et même après ça, un kafir pourra dire « Mais toi, tu es musulman, tu es barbu, ta femme elle est voilée, elle est couverte, et pourtant tu fais ça, je comprends pas, il est où le problème ?» Et là, le kafir aura raison sur toi. Il va te faire un ders, il va te faire une nasiha pour dire « Ta religion, elle appelle le contraire à ce que tu fais là. Pourquoi tu fais ça ?» Et là, la personne ne pourra que se sentir mal et se corriger. Et là, tu auras affaire à un kafir qui est équitable. Il saura que l'erreur vient de toi et non pas de la religion. Mais dès comme ça, on n'a pas beaucoup, ça c'est clair. Non. طيب. Donc ça c'est ce hadith. ثم نأخذ الحديث التاسع والخمسين. لا عفوا. Celui-là le 59e, le hadith il est faible et les termes sont très difficiles, donc je ne m'y aventure pas. Et même d'ailleurs, Tirmidhi lui-même dit que ce hadith là il est faible et qui contient un sens qui est incompris pour beaucoup. L'auteur l'a expliqué, mais l'a expliqué de façon résumée sans expliquer les mots. Donc ce hadith là qui est le 59e qui vient à parler justement du témoignage de certaines personnes, on le met de côté. D'accord ? On ne le fera pas. Donc on prend le hadith. Nakhouz al hadith, c'est Tin. 60e hadith. Yaqul an Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu. Qal kultu ya Rasulullah inna la quwwata illa adu ghadan wa laysa ma'ana mudda. Afanazbahu bi qasab? Qal ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن ولا الظفر فسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب الإبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي هذه أوابد كأوابد الوحش فإذا غربكم منها شيء فافعلوا به كذا. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Rafi ibn Khadij, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, demain nous allons rencontrer l'ennemi. Il s'est sorti en bataille. Et nous n'avons pas de couteau. Pouvons-nous égorger, c'est-à-dire là en parlant des animaux, hein, pas des hommes, pouvons-nous égorger avec le roseau? Parce que vous savez, le roseau, quand il est affûté, il peut être tranchant. Il a dit, tout ce qui fait couler le sang et sur lequel le nom d'Allah Azzawajal a été nommé, et tant que cela n'a pas été fait par les dents et par les ongles, d'accord ? Par les dents, c'est-à-dire que ça n'a pas été tué, égorgé par les dents et par les ongles. Pourquoi ? Il dit parce que les ongles sont un os et que les ongles, les dents sont un os. Et que les ongles sont. Il a comparé cela. Là, je n'ai pas bien compris. Je ne vous le cache pas. J'essaie de regarder dans les explications du hadith. Je n'ai pas trouvé. Mais de ce qui me semble avoir entendu auparavant dans des doulous que j'avais eus, c'était une façon sauvage d'agir qui était faite par les gens d'Éthiopie auparavant. D'accord ? Si je ne me trompe pas. Mais là, c'est entre parenthèses, car je doute. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir du hadith, c'est qu'on ne tue pas un animal avec les dents ni avec les ongles. Qal wasabna nahb ibil. Donc il a dit, nous avons trouvé un troupeau de chameaux Et l'un d'entre nous l'a en a visé avec une flèche. Déjà, il a tiré sur un chameau. On va dire un dromadaire. Je m'excuse, à chaque fois on dit chameau dromadaire. Parce qu'à la base, dromadaire n'a qu'une bosse. Et c'est ça qu'il y a dans la péninsule arabique. Ce sont des dromadaires. Et les chameaux, c'est ailleurs. Mais vous savez de quoi on parle. Hein. À chaque fois, on confond. Donc cet homme a visé l'un des dromadaires. Il l'a eu avec sa flèche. Sauf que le dromadaire n'a pas été tué sur le coup et s'est enfui. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cet animal a un instinct et des réflexes comme un animal sauvage. Donc il a dit, si jamais cet animal vous domine, en fuyant ou quoi, alors faites telle et telle chose. Faites telle et telle chose. Donc maintenant on va expliquer ce que ce hadith-là, en gros, veut dire. Bizina ta'ala. Donc ce hadith, il est c'est un hadith qui vient pour expliquer les règles de chasse, de la chasse. D'accord ? De la chasse. Donc, ce hadith explique les animaux, la viande, comestible. يدخل في فيه جميع ما ينهر الدم أي يسفكه من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصى محدد أو غيرها وما له نفوذ كالرصاص في البارود لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله. Donc maintenant ça cite les outils, les objets qu'on peut utiliser pour justement égorger. Que tout rentre dedans. Tout ce qui peut égorger, rentre dedans. Comme chose qui soit en acier, ou qui soit en cuivre, ou qui soit... J'ai oublié soufre, c'est quoi en français, comme métal. Ou qui soit en roseau, ou qui soit en bois, ou qui soit même de la roche qui est aiguisée. D'accord ? Qui est aiguisée. Il a dit même les balles. Même les balles. Car une balle, elle peut égorger, ou peut arriver au niveau d'une partie du corps qui amène à trancher la peau et à faire couler le sang. Donc tout cela, c'est permis. Yaqul yadkhulu fi dhalika ma sida bisiham wal kilab al mu'allama wa at-tuyur idha dhukira ismullah ala jami' dhalika. Et maintenant les animaux concernés par ce jugement-là, c'est tout animal que l'on peut, tout gibier que l'on peut chasser. Par les outils cités auparavant, ça peut être les flèches, ça peut être l'arme à feu et autres, et également qui sont chassés par le chien dressé, le chien de chasse dressé seulement. Le seul chien qui peut être utilisé pour amener du gibier, c'est le chien dressé sur lequel on a nommé Allah Azzawajal. Et également les rapaces, les toyur. D'accord ? Par exemple, tu as des gens qui chassent avec des rapaces, avec des aigles, avec des faucons, et ainsi de suite. C'est une chose qui est permise, comme le cite l'auteur là. Mais la condition, c'est qu'on a nommé Allah Azawajal sur l'animal, avant de le lancer. Et également la flèche ou le fusil, avant d'avoir tiré, on a dit Bismillah. Attends, là, il y a un mot. Et c'est où qu'on égorge? Le lieu où on égorge, c'est au niveau de la gorge, comme vous le savez. Soit le gosier, ou soit l'œsophage. D'accord? À cet endroit-là, on égorge l'animal. Quant au gibier, le gibier, tu n'es pas obligé de l'attraper, de l'égorger. Tu ne pourras pas, d'ailleurs, parce qu'à la base, il est loin. Donc toute partie de son corps qui a été atteinte par l'arme, cela est accepté. Tant que cela est nécessaire. Tu as tiré qu'une flèche, tu l'as touché à l'aile, tu l'as touché à la patte, tu l'as touché je ne sais où, ce qui a fait tomber l'animal. Mais cette flèche, tu as nommé Allah Azawajal avant, ou ce fusil, tu as nommé Allah Azawajal avant de tirer. Est-ce que tu penses que tu pourrais égorger un oiseau et qui vole avec ton arc, ça, il y a que dans les films de Robin des Bois, tu vas voir ça. Quelqu'un qui va tirer une flèche, qui va juste toucher la gorge de l'animal, un oiseau qui est en train de voler. Mais t'es un surhomme si tu fais ça. L'animal, il vole, toi, avec ta flèche, machallah, tu tires dans la gorge, tu l'égorges. Ouais, c'est dans les films qu'on voit ça. D'accord ? Ou pareil, avec une balle, tu ne pourras pas. ou il y a un animal qui court. Tu vois, tu vas tirer une balle dans sa gorge, tu fais les gorges, c'est quasi, ça relève de l'impossible. Taïeb. Donc, justement, cette sharia, elle est hakima qui fasse que si tu as nommé Allah Azawajel avant de tirer, tu as blessé l'animal qui tombe et que ton chien, par exemple, qui est un chien dressé pour la chasse, va le chercher, d'accord, et que l'animal il revient mort, tu peux le manger. Maintenant, si l'animal il est vivant et que tu le trouves au sol encore vivant, là tu l'égorges. Par exemple, tu as chassé un cerf, c'est halal, tu lui as tiré dessus dans la patte, il est tombé par terre, ton chien est parti l'attraper, quand tu es arrivé, l'animal est encore vivant. À ce moment-là, tu l'égorges. En nommant Allah Azawajal. Taïeb. Donc là, l'auteur il dit qu'il en est de même pour l'animal domestique. Quand je dis domestique, je parle des bahaim, comme les dromadaires, comme les vaches, comme les chameaux. Comme le prouve le hadith, ma ma'na hadha, que cet animal-là, si jamais tu cherches à l'égorger, par exemple, et qu'il s'enfuit, que tu l'as blessé, par exemple, et que tu ne peux l'attraper qu'en le tirant d'une balle dans, par exemple, dans la patte ou quoi, ou je ne sais quoi, et qu'il meurt, alors cette viande t'est permise. D'accord ? Cette viande t'est permise. Pourquoi ? Car tu ne peux pas l'attraper et l'attraper et l'égorger. Il s'est sauvé, l'animal. Il s'est sauvé, Mathalène, où il va, il charge sur toi. Il fonce sur toi, par exemple. À ce moment-là, alors que toi, tu avais l'intention de l'attraper et de l'égorger ou quoi, tu n'as pas pu le faire, et ben le coup fatal que tu lui auras donné te rendra permis sa viande. Te rendra sa viande permis. Maintenant, les choses qui interdisent, avec lesquelles on ne peut égorger l'animal, c'est avec les dents et avec les ongles. Pour ceux qui auraient des ongles à la base, vous savez que min fitra taklim al-azafir fait partie de la fitra, de se couper les ongles. Donc on peut pas avoir des ongles longs de plus de 40 jours. Avec des ongles, même de 40 jours, tu ne pourras pas tuer un animal. Ça serait vraiment de la sauvagerie. Ça serait pire qu'une boucherie. Tu ne peux pas. À la base, tu n'as pas le droit d'avoir ces ongles-là. Et quand même on dit que tu les aurais, eh ben tu n'as pas le droit de tuer un animal avec les ongles. Ni avec les dents. L'attraper et le mordre au point de le tuer. Tu n'auras pas le droit. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Wamin, par rapport à l'animal qui est à la base considéré comme étant domestique. Il dit Nadda al-Ba'ir al-Bakar aw-Sha wa ajaza 'an idrakihi fa innahu yakunu bi manzilati as-sayd. Donc il a dit si jamais l'animal que tu veux égorger, qui est le dromadaire ou la vache ou la brebis ou autre, et que tu ne peux pas l'attraper, qu'il s'est sauvé, alors son jugement sera le jugement du gibier. À ce moment-là, son jugement sera le jugement du gibier. C'est-à-dire tu peux le tuer de loin avec une arme à feu ou avec un arc ou autre. Comme tu le ferais qu'un gibier. Ils ont le même jugement. Tout comme le gibier, si jamais tu le tues, ou plutôt tu le blesses, et qu'il est au sol et qu'il n'est pas encore mort, il prendra le jugement du bétail, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudra que tu l'égorges. En nommant Allah Azawajal dessus. Vous comprenez ? La base, c'est que le gibier, on ne l'égorge pas. Et la base du gibier, du bétail, c'est qu'on l'égorge. Mais les deux, ils ont des situations similaires. Si le gibier devient aussi, je sais pas si on peut dire malléable, aussi, quand tu peux l'attraper, tu peux le, je sais pas comment c'est quoi le mot. Bref, qu'il est sous ton contrôle et que tu peux l'égorger, tu dois l'égorger, obligatoirement. Et l'animal de bétail, si jamais tu ne peux plus le contrôler et qu'il sort de ton contrôle, alors tu peux l'abattre comme tu abattrais un gibier. Hadha, c'est ça qu'il faut retenir dans ce hadith. Et il dit, وَالْحَاصِلُ أَنَا شُرُوتَ الذَّبْحِ إِنَّ هَارَ الدَّمْ فِي مَحَلَ الذَّبْحِ مَا كُونَ الذَّابِحْ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًا وَأَنْ يَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا. Donc maintenant, comment on tue un animal de façon légiférée? C'est, plutôt on l'égorge. C'est de couper, de le tuer, de l'égorger dans le lieu où on égorge. C'est-à-dire, tu l'égorges pas en lui plantant un couteau dans le cœur. Tant que l'animal est sous ton contrôle, tu n'as pas le droit. Tu dois l'égorger au niveau de son gosier, d'œsophage. Faire couler le sang. Et que celui qui égorge soit muslim ou que soit un kitabi, les gens du livre. Taïeb. Et qu'il ait nommé Allah Azawajal dessus. De dire Bismillah. Que ce soit le muslim ou que ce soit le kitabi. Le kitabi est un khilaf. Le qul qui est sahih, c'est que même le kitabi doit dire Bismillah dessus. Nommer Allah, quel que soit le nom qu'il nomme, les noms reconnus même dans leur langue ou dans leur religion. Tant que ce sont des noms qui soient affirmés, parce que, par exemple, ici en France, Mathalène, les Nansara disent pas Allah. Ils vont dire Dieu. C'est marlouf. Donc on dit pas, ah, il a pas dit Allah, je mange pas. Ou les Yahoud, ils disent pas Allah. À part peut-être les Yahoud qui sont arabes, qui parlent arabe. Sinon, ils disent pas Allah. Donc dis pas, il a pas dit Allah, je mange pas. Non, c'est qu'ils le nomment dans ce qui est valable dans leur religion. Taïb. Donc ça qu'il faut retenir. Donc de là, alhamdoulilah, on achève l'explication de ces deux hadiths. Et je m'excuse pour le 59e hadith qui n'était pas abordable pour moi, en tout cas. Et même Tirmidhi ne l'a pas fait. Donc qui suis-je pour me permettre de le faire? Un rappel, à partir de mardi prochain, Inch'Allah, il y aura également d'autres durous dans la semaine que je ferai ici sur place. Et qui seront transmis en direct. Ils seront en présentiel avec certains frères. Et ils seront transmis en direct via cette chaîne entre le Maghreb et l'Isha. C'est-à-dire, j'ai pas d'heure exacte. Le Maghreb, il est à 19h30 à peu près. Donc, nous, on fait salat. Et après, on fait le dersh. Ça peut être à 19h45, ça peut être 19h50, ça peut être, on va voir. À la base, je ferai comme je fais d'habitude, un compte à rebours. On va dire 20 minutes avant que le dersh commence. Inch'Allah. Taïeb. Et si jamais il y a un changement, un imprévu, je vous en informe. Quant à ces durous là, qui sont la beauté des cœurs, les horaires peuvent être amenés à changer. D'accord? Ça reste toujours le vendredi, samedi, dimanche. Là-bas, c'est que c'est entre le Maghreb et l'Isha. Mais je peux être amené à changer, des fois le faire après la ras ou deux fois ainsi de suite, ça dépend. Mais je vous avertirai toujours à l'avance, Inch'Allah ta'ala. Fa naktafi bi hadzal qadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.